Bonjour à tous. Donc, je souhaiterais tout d'abord remercier nos collègues lyonnaises pour l'accueil, la générosité même de l'accueil. Comme Sabine vous le disait tout à l'heure, en fait, on s'est rencontrés au printemps dernier et cette rencontre était l'occasion de mettre à plat une série de problématiques, une série de questions qu'on avait envie de développer ensemble. Donc, ma tâche ici va être relativement simple. Hein. Je vais essayer d'introduire les travaux de cet après-midi et je vais démarrer, bien entendu, en faisant un petit bilan des travaux en cours sur le banquet. Il est vrai qu'en effet, si on regarde les travaux récents hein, qui ont abordé récemment le thème du banquet, il s'agit de travaux qui l'ont abordé par des biais divers. Hein. Et depuis quelques années, nous assistons à un foisonnement de programmes de recherche et de publication. On dispose en fait désormais d'un savoir quasi encyclopédique hein, sur le banquet, la commensalité, le symposium, qui couvre différents champs de l'histoire. Hein, et les sources mises à notre disposition sont issues de disciplines variées. Et leur analyse montre non seulement la disparité de la recherche d'une région à une autre, mais aussi les différences plus ou moins importantes entre les diverses périodes. Un inventaire, même sommaire, de certains des travaux et projets de ces dernières années montre que tous les domaines des études ont été touchés. L'archéologie, l'épigraphie, l'iconographie, la philologie, l'histoire, le développement de l'archéologie et l'émergence de nouvelles disciplines telles que l'archéobotanique ou l'archéozoologie ont sans doute permis d'enrichir de manière conséquente les sources exploitables. Par ailleurs, le développement des études sur les céramiques communes, en particulier sur les céramiques culinaires, a montré aussi l'importance de ces objets d'études en tant que marqueurs culturels. Donc, comme je vous le disais, aujourd'hui, je chercherai avec vous à confronter quelques-uns de ces travaux récents pour essayer d'identifier des questions et surtout essayer de dégager quelques problèmes qui restent en suspens. Alors, le banquet est au carrefour de nombreuses recherches. J'en citerai quelques-unes. Les recherches, bien entendu, sous l'alimentation, et ici on est dans un cadre privilégié pour en parler, sous le code alimentaire et la valeur symbolique des aliments, céréales, viande, vin, ainsi que sur les discours, sur la nourriture et les manières de la table. Je signale par exemple des ouvrages récents et qui ont été publiés de manière presque contemporaine. Le livre de Yannick Aubergère, Manger en Grèce classique, La nourriture, ses plaisirs et ses contraintes, qui est une synthèse sur les aliments consommés et sur la place qu'ils occupent dans l'imaginaire grec. L'auteur consacre aussi un chapitre aux pratiques alimentaires, qui est d'ailleurs une introduction au thème du banquet. En parallèle, il y a eu la publication de la thèse de Robin Nadeau, qui a soutenu donc sa thèse à Paris sous la direction de Pauline Schmitt-Pantel, et son livre, Les manières de la table dans le monde gréco-romain, qui est paru aussi en 2010, hein, est une étude des manières de la table, des comportements, des conventions qui y sont associées, à partir de trois auteurs sources des premiers 3e siècles après Jésus-Christ, Plutarque, Lucien et Athénée, qui ont consacré une partie de leurs œuvres à la description et à la critique des manières de table. Le prochain congrès des sociétés historiques et scientifiques en avril 2013 aura pour thème aussi sous-nourrir, pratiques et stratégies alimentaires. Et ce sujet large, interdisciplinaire, a été retenu par le comité scientifique afin de développer une approche diachronique permettant de s'interroger à la fois sur les questions d'approvisionnement, sur la consommation, mais également sur les techniques culinaires et le lien entre alimentation et identité. Un autre volet d'études est celui qui concerne les recherches sur le sacrifice sanglant alimentaire et sur les modalités diverses de partage et de distribution. Je citerai ici aussi quelques-uns des ouvrages récents, notamment l'ouvrage publié par William Van Andrikal et Sébastien Lepez, Archéologie du sacrifice animal en Gaule-Romaine, Rituels et pratiques alimentaires, ou encore plus récemment un ouvrage édité par Vinciane Perrin-Delforge et Francesca Crescendi, Nourrir les dieux, sacrifices et représentations du divin, publié dans le supplément 26 de Carnos. Et toujours en Suisse, pardon, on pourrait évoquer le programme de recherche à l'Université de Genève, Théorie ancienne et moderne sur le sacrifice et la mise à mort rituelle, axé entre autres sur la terminologie ancienne, grecque et romaine du sacrifice, Et les auteurs s'arrêtent sur le fait que, effectivement, le mot sacrifice est un parti, un concept, le mot français, hein, sacrifice est un parti, un concept unificateur couvrant à l'origine des pratiques fort différentes. Un autre domaine est représenté par les recherches sur les groupes sociaux et les formes de sociabilité. Pour le monde gaulois, je citerai les travaux, bien entendu, de Mathieu Pou, de Stéphane Berger, entre autres. Et dans cette perspective, s'inscrit aussi un volet du programme choral, entre guillemets, hein, déjeuner, que j'ai co-dirigé à Dijon, sous les pratiques du banquet et des repas communautaires en Gaule et en Italie, fin de l'âge du bronze, époque augustéenne. Trois ateliers ont lieu justement à Dijon entre décembre 2010 et mars 2012 et les actes sont en préparation. Un dernier volet que j'évoquerai est celui qui porte sur les recherches sur l'organisation de l'espace public et sur les sanctuaires. On citera encore une fois les travaux de Pou en France, de Massimo Zan dans le sud de l'Italie, de Fernando Quesada Sanz en Espagne par exemple, de Sandrine Huber à Eretri, de Corinna Riva pour le monde étrusque ou de Tamara Odos et Calamari Antonacci pour la Sicile. Enfin, les recherches sur l'archéologie de la vigne et du vin, voire sur les amphores, là la liste hein, sera forcément abrégée mais pourrait être beaucoup plus longue. Le catalogue, je renvoie d'abord pour la bibliographie récente au catalogue de l'Expo Le Bain Nectar des Dieux, Génie des Hommes. Au colloque organisé par Federica Sacchetti à Aix en début de semaine prochaine, des amphores chez les Celtes, Alsatiens, l'Europe et le vent de la Méditerranée archaïque, aux recherches de Manuel Bott, de Fabien Olmer, et encore une fois, on pourrait on pourrait ajouter un grand nombre de publications récentes à cette liste. Donc, si l'on observe ces domaines de recherche, en première remarque, concerne la complémentarité des ouvrages parus. Une seconde observation pointe en contrepoint le fait qu'il n'y a pas de synthèse individuelle, peut-être en raison des divisions disciplinaires qui la rendent difficile, et en raison aussi de la complexité du phénomène du banquet. Il manque encore une tentative donc d'approche globale, à la fois sur le sujet, mais également sur la méthode. C'est bel et bien cette complexité qui est au cœur de nos préoccupations ici aujourd'hui. Le banquet est un concept finalement assez polymorphe et l'usage que nous en faisons tend parfois à tempérer les différences entre les contextes et les chronologies. Enfin, si plusieurs recherches sur ce thème ont été menées dans les dernières années, l'étude de la pratique du banquet demeure cependant cantonnée en perspective qui est généralement régionale, voire locale. Des séminaires, des journées d'études, des colloques récents ont repris un certain nombre de dossiers de questions. Malgré les réouvertures, la plupart de ces projets demeurent axés sur un domaine particulier. Par exemple, en 2009, lors du colloque de la Società Magna Grecia de Tarente, Vite, Vino et Culti Magna Grecia, les chercheurs se sont concentrés sur la diffusion du vin, de la vigne et de la pratique du banquet, en considérant à la fois les sources littéraires et les données archéologiques, mais le contexte était limité à la prise en compte des données de la seule Italie méridionale. La session d'archéologie protohistorique de La Haye en septembre 2010, encore organisée par Cristiano Iaia et Elisa Perego, a davantage insisté sur un nombre restreint de cas d'études à la transition bronze-fer, mais on y a abordé des aspects tout à fait originaux, notamment la consommation d'alcool par la non-élite, je reprends l'expression utilisée par les organisateurs lors de leur introduction, ainsi que les relations entre consommation d'alcool et pratiques alimentaires dans des contextes rituels. À Tours, en mars 2010, le propos du colloque international Le banquet du monarque dans le monde antique a été de reformuler dans une démarche comparative, monde orientaux, grecs, hellénistiques, celtiques, étrusques et romains, la question du lien entre banquet et politique, en mettant cette fois l'accent sur le lien entre banquet festant et monarchie, dans l'exercice du pouvoir royal vis-à-vis des sujets, des amis et des alliés. Si plusieurs recherches sur ce thème ont donc été menées dans les dernières années, l'étude de la pratique du banquet est limitée en perspective chronologique, thématique ou géographique spécifique. De surcroît, la périodisation propre à nos disciplines met en évidence l'étanchéité et le manque général de communication entre les différents spécialistes. Et les spécialisations elles-mêmes nous donnent des images parfois partielles. C'est pourquoi l'ensemble du dossier mérite d'être repris selon une approche transversale, aussi bien en termes géographiques que chronologiques, mais aussi d'un point de vue méthodologique. C'est l'un des objectifs qui a animé la série des ateliers Dijonais, et c'est aussi l'une des préoccupations qui a dirigé la mise au point du programme d'aujourd'hui avec les collègues lyonnaises. Le premier, hein, j'espère, d'une série. Un bilan qui tient compte de la perspective chronologique permet aussi d'avancer quelques observations. De manière générale, la période pré-protohistorique semble avoir été l'époque étudiée de la manière la plus détaillée, en partie sans doute, puisque les avancées théoriques et méthodologiques ont été pour cette période plus précoces et peut-être même plus marquantes qu'en archéologie classique. Je citerai là aussi quelques travaux récents. Je pense notamment au travail de Santo Privitera, Case Rituali a Creta nel periodo neopalatiale, publié à la Scuola Archeologica Italiana d'Atene en 2008. L'interprétation des rituels y est très intéressante, les paraphernalia, les lieux où se déroulaient les cérémonies, les relations entre les rituels et la vie quotidienne, l'alimentation, l'organisation des banquets, y sont abordées de manière ponctuelle. Un problème fondamental touché par Santo Privitera est celui de la nature privée ou publique des cérémonies qui se déroulaient dans les contextes domestiques. Le problème se pose également au niveau des festivités qui se déroulaient peut-être à l'extérieur des habitations. L'hypothèse que les participants à ces banquets soient identifiés avec les maisonnées voisines est intéressante, mais ne permet pas non plus de préciser les liens sociaux, voire économiques, peut-être aussi politiques, qui devaient exister parmi ces groupes. Le monde mycénien occupe une place prépondérante. Le numéro d'Hesperia paru en 2004 est entièrement consacré au thème du festin mycénien. Un des traits qui apparaît comme récurrent est la double fonction du banquier, à la fois facteur d'unité par la création d'une identité commune et facteur de division comme marqueur d'inégalité sociale. Et je pense que Sylvie Muller, pardon, aura l'occasion de revenir de manière beaucoup plus ponctuelle sur ces questions. L'archéologie a également permis d'enrichir ce que l'on peut dire de la commensalité après l'époque mycénienne, tout d'abord aux époques géométriques et autres archaïsmes. Dans le monde des cités archaïques et classiques, la connaissance des banquets est enrichie par des publications sur les repas à Sparte, à Crète, à Athènes, à Corinthe et dans d'autres cités. La thèse de Thomas Brizard, par exemple, en art citoyen, recherche sur l'orientalisation des artisanats en Grèce proto-archaïque, publiée en 2011, aborde les dispositifs de compétition sociale dans le monde grec entre la fin du 8e et le 7e siècle, via le rôle des objets orientalisants dans des contextes clés, les nécropoles, les sanctuaires, mais également le banquet. Les études parues permettent ainsi de confirmer le lien étroit entre le banquet à l'époque archaïque et le début de l'organisation politique des communautés. Le cas d'Érétrie est particulièrement intéressant et je suis persuadée que Sandrine Hubert approfondira beaucoup mieux que je ne saurais le faire l'état de nos connaissances sur le monde grec archaïque. Pour l'époque classique et hellénistique, les recherches en archéologie permettent désormais de mieux comprendre le cadre de repas dans la maison et dans les sanctuaires, de mieux cerner, autrement dit, la distinction entre banquet privé et banquet public. Le banquet grec en images est aussi au cœur des recherches récentes. Je pense notamment à l'ouvrage de Maria-Luisa Catoni, Bere vino puro, Immagini del Simposio, paru lui aussi en 2010. Le contexte retenu par Maria-Luisa Catoni est celui du monde privé de l'oikos, la maison. L'occasion peut être une fête familiale, un mariage, une naissance, une victoire, un succès, l'accueil d'un hôte. Maria-Luisa Catoni s'arrête à la fois sur la place des artisans qui produisent la vaisselle pour le symposium, sous la valeur marchande de leurs œuvres, sur les images qui la décorent et sur la grande variété des inscriptions, dont notamment des signatures, aussi qui lui offrent l'occasion de s'arrêter sur la carrière de certains peintres et notamment sur Euphronios. Sur le lien entre la pratique de consommation du vin et les inscriptions poétiques, qui relèvent en particulier du vase à verser, les onopoé, ou à boire, les coupes. Le dernier chapitre de cet ouvrage est sans doute le plus original. L'auteur y analyse de manière conjointe les changements politiques et sociaux à Athènes entre la fin du VIe et le début du Ve siècle et l'évolution des ambitions et probablement du statut social des producteurs de vase athéniens entre 510 et 490 avant Jésus-Christ. Le groupe des pionniers acquit alors une nouvelle conscience, l'autoreprésentation des peintres de vase en serait un témoignage. Ces artistes, exclus du groupe des enthousiastes, affichent littéralement leurs nouvelles ambitions et leurs aspirations par le biais des images et des inscriptions, y compris des noms désignant leurs collègues, entre guillemets, représentés comme des banquetaires parmi les membres de l'aristocratie. Ces ambitions s'expliqueraient, d'après Maria-Luisa Catoni, à la suite des changements profonds qui impactent la police athénienne sous la tyrannie des Pisistratides et à la suite des réformes qui en découlent. L'interprétation est séduisante, même si des réserves sont mises. Mais l'objectif de l'ouvrage est dévoilé. Quelle place pour l'artisan et l'artiste dans la société grecque ancienne? Ainsi, à l'occurrence, le symposium est le sujet principal de l'ouvrage, mais la question du statut social des artisans, de leur exclusion, de leur affirmation et de leur perception apparaît constamment à l'arrière-plan et nourrit l'analyse. Cette liste pourrait, comme je le disais, être abondamment allongée, mais un regard au même sommaire montre que le banquet est l'objet de plusieurs types d'études qui ont des démarches, des buts et des discours spécifiques. L'impression peut être parfois assez décourageante, en raison notamment de l'éparpillement, certes, mais également de la nature quelque peu passe-partout du concept même de banquet et de sa superposition avec celui pourtant très spécifique de symposium. Ce mot est-il toujours pertinent? Quand et dans quelle mesure peut-on parler de symposium ou de banquet? Parfois, par exemple, on a l'impression que, notamment en ce qui concerne les contextes nord-alpins, on recourt au mot symposium, entre guillemets, certes, mais avec une certaine facilité. L'exercice peut par ailleurs être attendu à d'autres domaines de vocabulaire. On parle par exemple du clinique pour dessiner la maquette du prince d'Otdorf. Pourtant, sa forme et sa fonction semblent malgré tout différer des clinailles grecques. Pour les contextes italiques, archaïques et classiques, Mario Torelli a en particulier souligné l'erreur qui consisterait à manipuler les concepts de banquet et de symposium, non sans confusion. À ce titre, il insiste sur les contextes funéraires italiques, qui incluent des restes de repas et des objets associés aux pratiques alimentaires, surtout des instruments pour la cuisson de la viande et de la vaisselle céramique, en opposition avec le rite convivial de consommation ostentatoire du banquet. La nouvelle pratique de consommation conviviale du vin ne remplace pas le banquet alimentaire traditionnel, mais le complète plutôt, puisque la pratique du banquet sacrificatoire avec consommation de viande donc, persiste à côté du symposium dans son continuité qui, selon la reconstruction de Mario Torelli, démarre jusqu'à l'époque romaine. Bien entendu, ce type de conclusion invite à s'interroger aussi sur le rôle actif de la clientèle autochtone et sur le rôle des marchands agissant comme intermédiaires à la fois dans la production des bases et dans la sélection du matériel. La diffusion particulière de certaines formes de récipients et de certains assemblages en est notamment un indice. Comment distinguer de l'or différents types de banquets? Comment comprendre le rôle de ces festins dans les sociétés anciennes sans plaquer le modèle grec à nos interprétations? Car en tant qu'objet historique, le banquet est soumis à des évolutions et à des transformations précises et embrasse donc des contextes sociaux et culturels très différents. Par ailleurs, comment faire la différence entre les banquets et les formes de consommation quotidiennes? C'est entre autres la question qui se pose aux Aurélien Crézieux à partir notamment des données archéozoologiques. De quelle façon l'archéologie amène-t-elle à réévaluer notre connaissance de ces pratiques de convivialité et de leur organisation? Les documents abordés par l'archéologie indiquent souvent une grande diversité de comportements. La présence féminine ou son exclusion, par exemple. L'utilisation ou l'absence d'un cratère pour mélanger le vin et l'eau, pour ne mentionner que ces deux exemples. Dans son contribution récente sous la consommation du vin à la fin de l'âge du bronze, 13e ou 12e siècle avant Jésus-Christ, Christian Oyaille a abordé les vestiges matériels et archéobotaniques de la culture de Terramar et Anemli et de la région de Sibaris, en Calabre, notamment le site de Broio di Trevisace. Christian Oyaille soulignait ainsi l'existence dans ces deux secteurs de pratiques de consommation semblables. Dans les deux contextes, on retrouve par ailleurs de nombreux réservoirs relevant d'un répertoire commun. Cependant, les mêmes objets ont été employés dans le cadre de dynamiques socioculturelles disparates. Si dans la culture terramarais, ces pratiques de consommation ont été incluses dans la vie quotidienne domestique de groupes familiaux égaux, dans le contexte de Broio di Trevisace, l'introduction de cette pratique pointe plutôt l'apparition du modèle de consommation propre à l'élite. D'ailleurs, a-t-on bu du vin? Était-il accompagné de nourriture? Ces nouvelles pratiques ne viennent-elles pas se greffer à une tradition autochtone préexistante? Changeons de cap. Une relation récente de Mafalda Rocho concernant la Gaule orientale a montré que la présence de services en céramique, qui pourrait traduire une consommation collective de boissons dans le cadre funéraire, ne semble pas attestée réellement avant le 11e-10e siècle avant notre ère, c'est-à-dire à la phase moyenne du bronze final. C'est à cette période qu'apparaissent également les premiers récipients métalliques de grande dimension au sein des dépôts. Ces services ont-ils pu être utilisés pour des denrées? Ces exemples soulignent l'importance de la prise en compte des données matérielles en liaison avec le contexte d'usage et, au premier rang, la vaisselle céramique. La notion de service utilisée depuis longtemps est utile, mais par exemple, d'un point de vue grec, le service à vin n'a aucun sens s'il manque le cratère, base de mélange, vin, eau, avant la distribution et la consommation. Enfin, le service savant n'est pas composé que de bases en céramique. Il faut tenir compte des amphores, voire aussi des autres en pot. Dans le cadre de cet atelier, tout en revenant aux questions fondamentales relatives à la nature des sources, à la diversité des contextes de consommation et à la nature même de ces contextes, l'adoption d'une approche élargie, dans le sens à la fois géographique et chronologique, devrait nous permettre de mettre en exergue plusieurs types et fonctions de commensalité, l'objectif étant de bâtir des cadres interprétatifs cohérents. Nous devrions en dernière instance pouvoir tester la pertinence de la notion même de banquier et plus largement le cheminement logique qui, en tant qu'archéologue, nous permet de passer des données archéologiques au concept. Merci donc à toutes et à tous pour vos contributions et bon travail. Merci.